Moniteur de ski nautique, un boulot pas pratique. Un emploi saisonnier pas vraiment bien payé. Moniteur de ski nautique, c'est un boulot à risque. Tu te tapes des rochers, t'es jamais friqué. Tu penses à te recycler, mais tu sais pas quoi faire. Tu passes les entretiens, mais t'es bon à rien. On te demande ton CV, tu dis « j'suis MSN ». Ça te semblait bien comme ça, mais dis-toi quoi ça mène. Moniteur de ski nautique, un boulot fantastique. Moniteur de ski nautique, mais parfois pathétique. Moniteur de ski nautique, il faut faire quelque chose. Moniteur de ski nautique, car la vie n'est pas rose. Tu repenses à ce boulot, aux dauphins que t'as vu. Tu repenses à toute cette eau quand ton vent tu as bu. La plongée sous-marine, un autre débouché. En restant dans la flotte sans jamais te ramasser. Tenir en équilibre, tiré par un bateau. Te sentir tellement libre, planer au fil de l'eau. Le matin tu te lèves, tu te dis quel vénard. Tu vas voir les filles te disant « Hey, connard !» Moniteur de ski nautique, un boulot fantastique. Moniteur de ski nautique, mais parfois pathétique. Moniteur de ski nautique, il faut faire quelque chose. Moniteur de ski nautique, car la vie n'est pas rose. Moniteur de ski nautique. Moniteur de ski nautique. Repensons au passé, tu te sens bien blasé. Et pensons au futur, tu te dis que la vie est dure. Tu attires les mémés avec ton torse bombé. C'est déjà pas si mal, vu que t'as bien trop de poils. Tu ferais mieux de faire du surf qu'à être un MSN. C'est toujours bien cool et ça cause des problèmes. Moniteur de ski nautique, un boulot pas banal. Avec tant d'avantages qu'on les voit pas au final. Moniteur de ski nautique, un boulot fantastique. Moniteur de ski nautique, mais parfois pathétique. Moniteur de ski nautique, il faudrait faire quelque chose. Moniteur de ski nautique, car là, il est pas rose.